yeah, yeah, ou quitter maman. Yeah, yeah, ou quitter baba baba. Yeah, yeah, ou lever ou al marié. Femme ou déballé, zami ou déballé. Yeah, yeah, ou quitter maman. Yeah, yeah, ou quitter baba. Yeah, yeah, ou levé ou al marié. Femme ou déballé, zami ou déballé. Ça finit, oui.